C'est l'heure du vif de l'histoire avec Jean Lebrun. Le Conseil d'État, institution bien souvent dans l'ombre, mais de moins en moins. Ces derniers jours, le Conseil s'est invité à plusieurs reprises dans l'actualité pour inciter le gouvernement à respecter ses engagements contre le réchauffement climatique, pour censurer une partie de la réforme de l'assurance chômage, mais confirmer la dissolution de l'ONG Baraka City, accusée de propager l'islam radical. Idem pour la fermeture provisoire de la mosquée de Pantin. Le Conseil d'État, donc Jean Lebrun, tentons une brève visite avec vous. C'est tout près de la Comédie française. Où nous étions tout à l'heure. Oui, nous sommes au Palais Royal où le premier consul a logé le Conseil quand il l'a refondé en 1799. Les salons de l'ancien propriétaire, le duc d'Orléans, ont été transformés pour accueillir les bureaux, la bibliothèque, les salles de séance de la plus haute autorité administrative du pays. Alors, délaissons, voulez-vous, Bruno, l'escalier d'honneur pour gagner un passage dérobé qui mène à la galerie, qui circule à l'extérieur comme une coursive au fait du Palais Royal. Vous avez en face de vous, vous l'avez dit, la Comédie Française, le Conseil Constitutionnel. Mais poursuivez vers la droite et vous parvenez au ministère de la Culture et au bureau de la ministre. Vous pouvez même de l'extérieur en observer l'intérieur depuis ses fenêtres. Deux membres du Conseil m'ont accompagné une fois dans cette balade et ils m'ont dit « Regardez par-dessus l'épaule les textes qui sont sur la table des ministres, leur expliquer qu'ils sont peut-être inutiles, ensuite les rendre clairs, enfin participer à la rédaction des décrets d'application qui attendent souvent si longtemps, c'est une de nos tâches. Que n'a-t-on consulté davantage le Conseil d'État pour la rédaction de l'article 24 de la loi sur la sécurité globale ? Je précise que cette expédition en hauteur, avec mes deux camarades, étaient clandestines. Ils étaient encore à l'âge des farces. Ils étaient alors au bas du tableau. Le tableau, Bruno, c'est le mur des casiers des quelques 230 membres du Conseil en activité. Vous êtes classés par ordre d'ancienneté. Les plus jeunes en bas, donc à droite, et les plus anciens en haut, à gauche. Alors continuons la visite. Là, vous nous avez parlé du tableau, il faut parler des fresques. Oui, signée Henri Martin, elle décore la plus grande des salles de séance. Alors l'une représente des ouvriers faisant des travaux place de la Concorde. Le droit est un chantier perpétuel. L'autre figure un homme debout au milieu des arbres. Il tient un livre dans une main et de l'autre, il se gratte la barbe avec, vous savez, l'air perplexe de quelqu'un qui a perdu ses clés. Oui. Le droit est un chantier, c'est une forêt touffue. Et elle est plantée de tous les arrêts pris par le Conseil au long des âges, à la demande des innombrables requérants qui l'ont sollicité en dernier recours. Alors ça s'appelle... Bruno... La jurisprudence qui s'établit à partir des arrêts consécutifs. Bravo. Oui, c'est un peu comme le métro. Hein. Comme vous avez les stations Gambetta, Passy, vous avez l'arrêt Blanco, 1873, sur la responsabilité de l'État en cas d'accident du travail dans un de ces bâtiments, ou l'arrêt, bien connu, Morsan sur Orge, sur l'interdiction du lancer de nains. Oui, vous vous souvenez, hein, il y avait au départ, en 1991, un requérant, un nain, qui gagnait sa vie en se faisant projeter, muni d'une poignée et d'un casque, dans l'espace public, et il protestait contre la décision du maire de Morsan-sur-Orge qui l'avait empêché de se montrer en spectacle. Première instance, le tribunal administratif. Deuxième, la cour d'appel administrative. Et dernière instance, en 1995, le Conseil avait donné tort aux nains. C'est un des arrêts qui intéressa le plus les médias. Et il a quand même fait avancer la notion de dignité de la personne. Et il fait le bonheur des étudiants en droit. Ces temps-ci, une autre procédure attire davantage l'attention. C'est la procédure dite de référé-liberté. À laquelle recourent des catholiques qui veulent l'accès aux messes rendues enfin au public. Alors on peut dire ce qu'on veut du passé. À Vichy par exemple. Ils étaient à Royal, les conseillers d'État. Et du recrutement du Conseil d'État, qui, pour un tiers de ses membres, est le fait du prince. Mais, en ce moment, le Palais des Lois montre qu'il sait se projeter dans l'urgence. C'est un peu le génie dans l'armée. Il construit en peu de jours des ponts de lianes, ces faits de jurisprudence entrelacés, et ça nous mène d'une rive à l'autre, au-dessus de l'abîme où peuvent rouler nos libertés. C'est le génie dans l'armée, c'est le service d'urgence de la République. Jean Lebrun, le vif de l'histoire du lundi au vendredi dans le 13-14 et le samedi, c'est Intelligence Service à 18h. Quel est le programme ? Elisabeth de Fontenay, bien connue des auditeurs de France Inter. On vous écoute demain.